De nos jours, on assiste de plus en plus à la montée de la violence. Partout, tout autour de nous, les médias nous bombardent d'images sanglantes. Stop la violence, Broda Vibes dit stop la violence. Mais stop la violence, Broda Vibes dit stop la violence. Car de plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. Mais que faire, je ne sais pas comment lutter face à la montée de la violence qui ne fait que progresser. De chaque côté, des camps qui ne font que s'affronter sans aucun but précis, si ce n'est celui de tuer. De plus en plus de sang, de plus en plus de larmes qui s'écoulent au milieu des rues. De plus en plus de gens, de plus en plus de femmes qui attendent leurs enfants perdus. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. Je ne veux plus voir cela, je ne veux plus que la haine et l'amour se combattent sans relâche. Je m'attache à mes principes, non, je ne suis pas un lâche. Moi je prenais la paix, l'unité, le bonheur, l'amitié, l'honnêteté dans un monde déjà souillé. Tant de personnes blessées, tant de personnes tuées. Des rivières de sang déjà bien trop coulées. Le seul barrage qui pourra la stopper sera celui qu'on bâtira quand on décidera de s'aimer. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. Je peux plus sourire car il y a trop de choses qui me font pleurer. Tout le monde fait semblant de ne pas vouloir être concerné. Même la tête vide, j'arrête toujours pas de m'imaginer que si ça continue, il n'y aura bientôt plus d'humanité. Ça fait long time que le people est hypnotisé par la soif d'argent, de pouvoir et surtout de fierté. Long time déjà que toutes mes troupes sont taillouées. De plus en plus de gens ont peur face à l'unité. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici, je ne sais plus où marcher. Bientôt il faudra nager comme dans un film d'horreur, seulement c'est la réalité. Pourquoi le climat social est au plus bas? Pourquoi rien ne change ici? Je me demande pourquoi. Mais qui fera le premier pas? Qui pourra tendre la main sans un sourire narquois? Après tout, si t'es un Batman, c'est ton choix. Mais ne compte pas sur ma Broda Vice pour faire le mal comme toi. On check le microphone tous les jours, c'est notre combat. Sur du bon reggae man, écoute ce style, c'est pour toi. De plus en plus de sang s'écoule sur les trottoirs de mon pays. Là-bas ou ici,